selon vous, et les faiblesses d'un centre-ville comme Moucron ? Eh ben, le manque de parking, parce que c'est des villes anciennes et il manque de parking pour accueillir nos clients. Il manque de parking. Comment vous appréhendez justement les travaux de la Grand Place ? Ce sera la mort du centre-ville moucronois parce que... Voilà, alors Laurent Poussement, justement... Je voulais juste arrêter sur ce point-là. Voilà, c'est un choix absolument éditorial qui m'appartient. Qui m'appartient. Alors justement, comment appréhendez-vous, vous en tant que restaurateur, les travaux de la Grand Place, imminents ? Bah, comme tous les commerçants, quelque part, ce sera un moment d'incertitude et ça va être une sale période à passer, ça c'est clair. Mais c'est clair que c'est aussi c'est pour aller vers un mieux, donc je pense que... On n'a rien sans mal et on va devoir y passer. Et on va essayer d'y passer le plus vite possible et le moins longtemps possible. Il y a un petit aveu quand même de, si pas inquiétude, mais quand même, ah bah c'est normal, on doit y passer. Enfin, ça a l'air d'être une sentence quand même. Non. Je veux dire, on a fait du lobbying et moi personnellement, je veux dire, j'ai fait beaucoup de lobbying en ce sens pour que ça se fasse. Ouais. Parce que c'est clair que, je veux dire, avec notre Grand Place, c'est le centre-ville où on avait pu investir un euro depuis pas mal d'années. Et ici, sur ces 3-4 dernières années, avec le centre administratif et, comme l'a dit une personne, tous les parkings qui ont poussé, voilà, y a une personne qui se plaint des parkings. Enfin, c'est pour moi complètement incompréhensible, où je veux dire où il n'est pas sorti de chez lui depuis bien longtemps. Et donc voilà, on a ce qu'il faut au niveau parking. Avec la Grand Place, on va perdre un petit peu de place de parking, mais on les a déjà regagnées à l'avance ailleurs. Il y a encore le parking tout près du musée du folklore, je veux dire, qui va s'agrandir. Donc je veux dire, de ce côté-là, on est gâté. Et pour rebondir, je veux dire, par rapport à ce que vous aviez dit avant, pour les commerçants, c'est clair que la Grand Place ne va pas solutionner tous les problèmes et on a tout intérêt à se bouger, notamment au niveau de l'attractivité, au niveau des heures d'ouverture. Il y a aussi quelque chose à faire sur les loyers, même si je pense que la situation est occupée de changer. On avait constaté que la petite rue était une des rues qui avait le plus souffert au niveau loyer, mais la vraie raison pour laquelle elle a le plus souffert, c'est que c'est là qu'il y avait les loyers les plus élevés de Moucron. Donc, et là, il y a déjà pas mal de loyers qui se sont réduits. Donc il y a des propriétaires qui ont mis du temps, mais ils commencent à comprendre quelque part que c'est ça ou rien. Quand un propriétaire voit à gauche c'est vide, à droite c'est vide, quand le locataire dit je renouvelle, mais il faut réduire de 200 ou 300 euros, je veux dire, le propriétaire, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour dire voilà, je le fais, au moins j'ai un loyer qui tombe. Alors j'entends des réactions dans le public. Et Léon peut peut-être balader avec son micro. Il n'y a plus de micro, mais il va venir chercher son micro, évidemment. C'est pas si loin que ça ici. Et donc, j'entendais des réactions dans le fond, là-bas, me semble-t-il. Pas de questions ? Vous êtes interdit de micro. Alors, monsieur Boucher veut réagir à nouveau. Donc, on va le laisser réagir. Pas de problème, c'est une radio libre ici. Hein, donc, mais bien sûr, donc. Mais bien sûr, non, mais écoutez. Mais tant que c'est dans le micro et dans un certain laps de temps, parce qu'il nous reste plus que un peu plus de 25 minutes. Dans le micro. Allez, du coup, on perd du temps et du coup, je vous donne la parole. Donc, il y a plusieurs aspects dans la discussion. Il y a les aspects des commerçants. Là, je suis d'accord sur les heures d'ouverture des commerçants. Ouvrir, certains, ils ouvrent à 10h du matin, ils ferment à midi, ils ouvrent à 2h, ils ferment à 6h. Comment voulez-vous que les gens qui travaillent, ils vont faire leurs courses ? Après, moi, j'ai travaillé dans le commerce toujours. Quand on perd un client, on a de la misère à le rattraper. Ça, c'est la première des choses. Hein. La deuxième des choses, dans les commerçants, ils ne sont pas représentés. Il y a des gens qui sont dit, ils sont représentants des commerçants, ils ne sont pas plus représentants des commerçants que moi, je suis pape. Ils ont été nommés par le bourgmestre, tout simplement. D'accord, et on va passer sur les choses un peu trop personnelles, monsieur. Non, ce n'est pas personnel, c'est la vérité. Parce que les commerçants, ils ont le droit d'être représentés comme il faut. Alors, et nous, en tant que pour la Grand Place de Moucron, les commerçants, certains commerçants, ont demandé de voir le bourgmestre pour pouvoir discuter sur ce plan et aménager certaines choses. Parce qu'au point de vue circulation, ça ne va pas. Mais non, on n'écoute pas, on n'écoute personne. Alors comment voulez-vous que ça marche ? Ça ne s'est pas marché. Merci, M. Boucher, votre intervention. Parce que simplement, c'est de la radio, je l'ai dit dès le départ, donc c'est à l'antenne, et ce n'est pas une émission débat. Débat, la salle est un petit peu trop petite. Il y a un beau bâtiment ici, juste en face, où on peut aller faire du débat à plusieurs. Mais ici, c'est un petit peu trop petit. Je reste bien dans mon cadre radio. Alors, on va passer à un sujet peut-être qui fâche. Une des plus grandes craintes, évidemment, pour le commerce moucronois, enfin, évidemment, aussi, est de voir aboutir le projet Mosaïque, feu projet Cora sur le site du Covocan. On ne pouvait ne pas en parler. C'est ça, il reste 20 minutes, donc lâchez-vous. Donc, l'Union des classes moyennes a à diverses reprises tiré la sonnette d'alarme quant à l'issue de ce dossier. Vous croyez, M. Grimont-Pré, qu'un tel projet pourrait sonner le glas des petits commerçants ? Mais ça ne va peut-être pas favoriser si le projet passe, malheureusement. Mais donc, oui. Nous, en tant que UCM, ça fait maintenant plus de 15 ans, voire 17 ans, qu'on était contre ce projet, parce qu'il faut savoir aussi qu'initialement, le projet était beaucoup plus vaste et volumineux que le projet Mosaïque. Et secondo, depuis maintenant, ça fait une dizaine d'années, voire il y a deux centres commerciaux qui se sont installés, et ça fait même maintenant un troisième, par rapport un peu au périmètre du territoire et par rapport surtout à Tournai, au bastion qui a Tournai, à la route des Flandres où le mégapole Auchan va construire. Oui, et surtout dans notre position qui nous conforte un peu, c'est aussi l'Observatoire du commerce qui nous donne un peu raison, qui a donné un avis négatif sur justement ce projet Mosaïque. Donc on parle toujours aussi et de la problématique aussi, notre revendication, c'est sur cette problématique de mobilité. Donc avec tout ce flux de véhicules, comment on nous a pas montrer vraiment cette infrastructure de mobilité qui pourrait faire venir ces 20 000 véhicules par week-end sur cette route. Donc c'est tout cet argument, et de plus, bon, maintenant je pense que le dossier doit repasser, donc on verra dans le futur et l'avenir comment le dossier sera ficelé, mais pour l'instant et à cette heure, donc l'Union des classes moyennes est toujours contre, je veux dire, ce projet Mosaïque. On a quand même bien construit, je veux dire, autour de Mougron, parce qu'il y a moyen de traverser la ville très rapidement. Hein. Je veux dire, évidemment, il faut pouvoir accueillir je fais un peu l'avocat du diable, évidemment, il faut pouvoir accueillir les gens qui doivent venir se garer, stationner, aller visiter ces nouveaux magasins, etc. Malgré tout, quand on voit la physionomie, entre guillemets, des routes pour rentrer dans Mougron, comment ça a été organisé autour, aux abords de Mougron, il y a moyen soit d'y rentrer très rapidement dans Mougron, soit de la traverser très rapidement sans s'y arrêter et donc sans venir vous rendre visite. Est-ce que vous avez aussi perçu ça ? C'est clair. Pour ajouter une autre dimension. Non, c'est clair. On va, je veux dire, la future route qui va arriver au rond-point chaîne du bus va permettre, enfin, a été faite, je veux dire, pour désengorger la gare parce qu'il y avait beaucoup de camions qui passaient. Voilà. Donc, je veux dire, au niveau pollution, au niveau sécurité, c'est très bien. Mais parfois, ce qui est très bien au niveau pollution-sécurité n'est pas très bien pour le commerce. Donc le commerce, les commerces, par exemple, de la gare, vont souffrir de cette situation. Mais bon, ça, on ne peut pas tout vouloir. Et pour revenir sur le projet Mosaïque, je pense aussi que, enfin voilà, peut-être que nos petits-enfants seront invités ici dans cette réunion dans 50 ans et vont encore parler du projet Mosaïque. Il y a des gens qui disent la presse, hein, parce que cette phrase elle est sortie dans la presse. Il y a des gens de la presse d'ailleurs que voilà, je salue au passage. C'est sorti dans la presse, ça a été repris. Hein, pour réorganiser ça, attends, je disais ça pour rire, moi. Je serai sans doute plus là. Hein, okay. Allez, on écoute quelques commerçants qui ont un avis bien pointu sur la question. Alors, d'après vous, quelles sont les forces et les faiblesses du centre-ville ? Les forces, c'est l'accessibilité au centre, le parking gratuit dans Mougron, puis l'accueil et le service à la clientèle que les clients ne retrouveront pas dans une grande surface. Justement, il faudrait encore améliorer les commerces de proximité, les multiplier, d'après vous ? Les multiplier, oui, même si la conjoncture n'est pas évidente, mais surtout faire que les façades soient plus jolies, mettre un peu plus de couleurs dans les rues et puis abattre les bâtiments désuets. Les chancres, par exemple, de la Grand Place ? De la Grand Place ou de la rue de Tourcoing, surtout, puis faire des parkings et ce sera déjà plus joli, ce sera plus ouvert et les gens viendront plus facilement chez nous. Que diriez-vous à un jeune indépendant qui veut se lancer dans le commerce aujourd'hui ? Allez-y, foncez, mais n'oubliez pas que ce n'est pas 35 heures ou 38 heures semaine, c'est de la disponibilité, pas 24 heures sur 24, mais presque. Que pensez-vous des travaux de la Grand Place qui vont bientôt débuter, enfin qui débuteront à l'été ou après l'été ? Ce sera très bien, c'est ce qu'il faut. C'est une des seules grandes places où il y a des voitures partout. Donc il faut justement que ce soit plus attrayant, qu'on puisse s'y balader, boire un verre et terrasse chauffée. La Grand Place représente quelque part l'image d'une ville ? Oui, bien sûr, sans aucun doute. Voilà. Le projet Mosaïque a fait couler beaucoup d'encre, en fait encore couler. Quel est votre avis sur la question ? Je trouve que c'est une incohérence totale. Il arrive bien trop tard, après deux centres commerciaux qui existent déjà. D'ailleurs, à ce propos, on ne s'est jamais posé la question, et si on ne le faisait pas, qu'est-ce qu'on pourrait offrir d'autre? D'ailleurs, ça fait partie d'un débat citoyen. Ça dépasse de loin l'idée de construire un centre commercial. Il y a tout autre chose là derrière. Il y a une réflexion sur le bâti, le non-bâti. Il y a une réflexion sur les zones périphériques. Il y a une réflexion sur la mobilité. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte et qui sont, à mon avis, pas bien dirigées en ce moment à ce niveau. Donc moi, je m'y oppose formellement. Ben voilà, merci. On peut juste un passage comme ça. Merci à Justin et Gaëtan qui ont assuré aussi la technique pendant cette émission. Deux réactions évidemment avec deux domaines. Alors on a présenté ça en introduction, on rebondissait sur Mosaïque, c'est arrivé maintenant. Mais il y a aussi, je pense, l'intervention d'une commerçante, par rapport à, j'entendais, rendre les façades jolies. Enfin voilà, rendre ça attractif. C'est lié. Oui, quelqu'un veut réagir? Je vais réagir. Non, mais, et pas seulement sur les façades, parce que... Donc je vous présente, excusez-moi, hein, Laurence Despechin, conseillère en aménagement du territoire et urbanisme à la ville de Moucron. Oui, et entre autres aussi responsable donc, de la mise en œuvre du schéma de développement commercial. C'est surtout pour ça que je suis voilà, ici. Voilà, on pourrait justement, vous pourriez expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. Ici, donc, il y a eu plusieurs interventions. Il parlait des atouts et faiblesses des commerces. Mmh. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite récemment et que suite à ça, donc, on est occupé de faire un plan d'action avec les commerçants. Donc, ils sont associés aux différents groupes de travail qui sont en cours actuellement. On travaille sur les atouts et les faiblesses. Il y a plusieurs groupes qui sont des groupes de réflexion. Mis en place déjà. Il y a déjà eu plusieurs réunions. Il y a un groupe qui travaille notamment sur les horaires, parce qu'on en a parlé, où effectivement, un objectif, c'est d'essayer d'avoir une harmonisation des horaires des différents commerçants. Au départ, dans le centre-ville, et le centre-ville, il y a la Grand Place, c'est la rue du Christ, la rue de Tourcoing, la Petite Rue, donc c'est quand même assez vaste. Dans un deuxième temps, il y a aussi un objectif de la ville. On travaille sur le centre, mais on n'oublie pas non plus l'extérieur. Donc, le travail qu'il fait actuellement au centre-ville, c'est pour être aussi appliqué ailleurs. Oui. Et il y a un groupe qui travaille sur le paysage urbain attractif, pour revenir donc sur la question des façades, où il y a tout un travail qui est fait pour rendre, pas seulement la Grand Place, parce qu'on a parlé beaucoup de la Grand Place, et je pense également que ça va rendre quand même aussi la ville attractive, mais en même temps, il faut travailler sur les façades. Et c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui sont aussi certains chancres. On ne saura pas travailler sur tout, mais on va essayer d'avoir une harmonisation de l'ensemble des façades, pas seulement des façades, mais aussi des enseignes. Donc on voit un peu tout type d'enseignes fleurir un peu partout dans le centre-ville. Donc on parlait aussi de la rénovation urbaine. Il y a aussi un groupe qui travaille sur la rénovation urbaine pour redynamiser l'espace public, qui est un bel espace. Donc il y a vraiment 5 axes de réflexion qui ont été déterminés pour le schéma de développement. La communication, l'offre commerciale, la création d'un paysage urbain attractif, on en parlait tout à l'heure, le placemaking et l'accessibilité. Vous faites également partie, Laurent Coussement, d'une des commissions, Philippe Lepers également. Je ne sais pas si vous voulez réagir, donc justement. Oui, moi c'est plutôt donc l'aménagement du paysage urbain et l'offre commerciale. Et donc pour l'offre commerciale, donc c'est clair que les horaires, je confirme, et je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Boucher, c'est que quand en travaillant donc 10h midi et 14h, 18h, 6h par jour, 6 jours semaine, 36h. Même du temps de nos parents, il n'y a aucun commerçant qui gagnait sa vie en travaillant 36 heures par semaine. Et ça, c'est tout à fait vrai. Donc, on sait qu'être indépendant, si on travaille moins, on gagne moins. Si on travaille plus, on gagne plus. Et cette logique-là doit être respectée. On parlait de communication, d'image, une image commune au centre-ville. Oui, là, l'image, oui. Enfin, même si moi, je ne suis pas trop dans ce secteur, mais c'est clair qu'au niveau de l'image, je ne sais pas si Philippe non. Donc au niveau de l'image, c'est clair qu'on doit améliorer la communication parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas tout ce qu'on peut trouver dans le centre-ville. Je parlais hier avec un commerçant qui me disait On ne peut pas citer de marque à la radio, donc je ne vais pas citer la marque de Foulard Chana. On en a déjà fait une paire, des marques, voilà, tout à l'heure, c'est bon. Ah ouais, on est sponsorisé là. Je suis tranquille pour les 30 ans à venir. Voilà, les dons vont affluer. Et voilà, et donc on lui disait, voilà, mais ça n'existe qu'à Tournai, qu'à Courtrai. Eh bien non, il y a un magasin dans la rue du Christ dont je ne vais pas citer le nom. parce que... et donc voilà, un petit magasin de décoration dans le bas de la rue du Christ qui a cette marque-là, qui est une marque très courue, et beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas trouver ça, je veux dire, à Moucron. Eh bien, s'il y a plein de choses, je veux dire, qu'on peut trouver à Moucron, mais là aussi, il y a tout un travail de communication qui doit être fait, notamment, on pensait à un site internet, au lieu de chercher un magasin, c'est parfois chercher un objet ou une marque, et puis on se dit, voilà, et on va certainement le trouver à Moucron. On est donc dans le faire savoir et le savoir-faire. Voilà. Parce qu'il y a un faire savoir ici, mais personne ne sait. C'est ce que j'étais occupé de dire. Et il y a aussi le savoir-faire. Ouais, tout à fait. Alors Philippe Lepers, vous vouliez rebondir à ce que... Donc je crois qu'on a entendu des réflexions très intéressantes lors des micro-trottoirs. La ville est attrayante parce qu'il y a une diversité commerciale, il y a du service, mais il faut savoir que le problème du centre-ville de Moucron n'est pas qu'à Moucron. Il y a des problèmes dans les centres-villes dans toutes les régions de Wallonie, dans tous les pays développés d'Europe. La crise est là, mais il y a aussi le pouvoir politique qui, depuis 15-20 ans, a axé les travaux et les implantations commerciales aux extérieurs des centres-villes. Aujourd'hui, heureusement, notamment à la ville de Moucron en tout cas, l'administration communale a fait de gros efforts, on l'a dit, on a développé des parkings, on a agrandi dans des délais, avant les travaux de la Grand Place, le parking des Moulins, le parking de la rue de Courtrai, rue Royale, et également l'agrandissement du parking rue de la Station, rue du Luxembourg. Je crois que ça, c'est très important. Il faut de l'accessibilité, il faut de l'image, et pour revenir aux façades, à la décoration, c'est sûr qu'il y a eu de l'abandon, des chancres comme l'Éden, c'est inadmissible que des bâtiments pareils puissent subsister après 25 ans d'inactivité et de dégradation. Et pour revenir sur un point qui est abordé tout à l'heure, sur la taxation, il faut savoir que la taxation des surfaces inoccupées existe à Moucron. Elle n'est appliquée que pour le privé, mais elle peut l'être sur le plan commerce. Seulement, je ne sais pas si en taxant des surfaces vides, on va apporter beaucoup plus. Hein. Il faut taxer des choses qui fonctionnent et pas des choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est un principe quand même de dissuader les propriétaires de ne pas laisser des immeubles à l'abandon. On va passer dans le public, parce que c'est très riche. Alors... Désolé pour les timings, parce qu'on me donne un tiers ici et un cinquième. C'est frustrant, en fait. Voilà, c'est très frustrant. C'est le principe, c'est pas un débat, c'est de la radio, mais je vois quand même qu'il y a des gens qui souhaitent réagir, peut-être pas toujours les mêmes non plus. Et puis, on arrivera déjà tout doucement vers la fin. Une voix féminine, ça serait bien, non ? Oui. Elle n'est pas féminine, mais j'imagine qu'il a la voix très douce. Je passe le micro donc à un des invités de ce soir. Bonsoir, Jérémy, Moucronois d'origine. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir tout le monde. Voilà, en fait, moi, je souhaitais réagir par rapport à la vitalité du centre de Moucron en tant que 35-naire, papa de deux enfants, où je me dis, des fois, quand je me balade dans le centre de Moucron, je vois de beaux espaces publics, mais qui sont régis par des panneaux... interdiction de faire du skateboard, interdiction de faire du roller, bref, pour moi des choses qui font en sorte que, avec mes enfants, ça ne me donne pas spécialement envie d'être là, à cet endroit-là, et donc de flâner, et donc d'être disponible au commerce, et de pouvoir, entre guillemets, bah oui, flâner dans le centre et avoir, avec un certain pouvoir d'achat qui est le mien, et je crois celui des générations futures aussi, investir quelque part dans ma ville de par la présence dans son cœur. Et c'est quelque chose qui pour moi me chiffonne, parce que je trouve que il y a des beaux investissements qui ont été faits en termes de bâtiments, mais qui ne nous donnent pas l'espace à nous, les générations montantes, d'investir notre ville, et où on se retrouve des fois plutôt... perclus à devoir aller ailleurs que de flâner en son centre. Qui veut réagir à ces propos ? Laurence Despéchins. Dans le cadre du schéma de développement commercial, on parlait, donc, elle a dit qu'il y avait un groupe qui travaillait sur le placemaking. Je vous explique en gros, c'est sur la zone de la rénovation urbaine. Donc on est occupé avec le groupe qui travaille là-dessus de voir à redynamiser cet espace et à le rendre à la population. Donc, comme vous venez de dire, on est occupé de travailler à différentes actions. On va installer du mobilier urbain disponible à tous, installer du mobilier pour les enfants, du jeu, donc qui pourrait être permanent, voire provisoire, mis à certaines époques. Et donc, de l'année. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de ce groupe-là qui va travailler. Et on trouvait que l'espace idéal dans le cadre du schéma de développement commercial était la rénovation urbaine, puisqu'on est dans un espace sans trafic. Et donc, avec le moins de danger possible. Donc la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Grand Place va quand même aussi devenir logiquement un espace qui va être plus agréable pour le piéton, hein, la personne qui va se balader, puisque le trafic sera quand même ramené d'un seul côté. Il y aura aussi des fontaines, un espace de fontaines qui sera mis sur la Grand Place. Et donc je pense que la Grand Place... on pourra se baigner dans cette fontaine, parce que sinon... Non, là, je ne suis pas sûre. Donc, le réaménagement... Donc, c'est joli, mais pas très ludique. Mais le réaménagement de la Grand Place et ce qu'on voudrait faire, si les actions arrivent à leur terme, c'est vraiment dynamiser, dans le sens de l'animation et de rendre l'espace public à la population, à la rénovation urbaine, c'est vraiment l'objectif. Et pour rebondir quelque part là-dessus, je pense aussi qu'il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas tout interdire. Parfois, on a tendance à trop interdire parce que comme ça, on est sûr qu'il n'y a personne qui va rouspéter. Et il faut trouver un juste milieu en respectant les habitants qui habitent la rénovation ou la Grand Place. Et aussi, comme vous dites, permettre aux Moucronois de profiter des espaces publics. Mais il y a un juste milieu. De sa ville. Et de sa ville, quelque part. Donc, je vous propose d'acheter un skate en inox pour faire du skate dans la fontaine. C'est ça. Il y a moyen. Ce qui est un peu le slogan aussi du journal de la commune, Moucron vivre dans sa ville. Vivre dans ma ville. Et je crois que pour beaucoup de Moucronois, c'est très important de s'approprier sa ville, que ce soit par la fréquentation des commerces, des bistrots aussi. Ça fait partie de la vie, de ses assos. Et voilà. Et on a parfois, nous, un peu public alternatif, l'impression de ne pas forcément avoir beaucoup d'espace de disponibilité, en ce sens que, par exemple, juste derrière nous, derrière le centre Marius Taquet, un espace superbe est à disponibilité, mais pas si facile d'accès que ça, et qui n'est pas spécialement... c'est un super lieu de vie, mais pratiquement... il est régi par beaucoup d'interdits. Oui. À mon avis, il y a peut-être eu des exagérations d'un côté ou l'autre, mais comme je vous dis, il faut trouver le juste milieu. Je veux dire, si les gens respectent les espaces, je dirais après qu'on chasse, entre guillemets, ceux qui ne respectent pas les lieux, mais qu'on laisse au moins la possibilité aux gens qui les respectent et aux associations d'agir quelque part dans le centre. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a changé entre, quelque part, l'ancienne génération, la génération de nos parents et notre génération, c'est qu'on se rend compte, quelque part, que l'associatif, on en a besoin parce qu'il n'y a rien qui met le plus d'ambiance et quelque chose de l'associatif dans les centres commerciaux, vous ne trouvez pas. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment de vivant et c'est quelque part la vraie vie, l'associatif. Et ça doit absolument, à mon avis, reprendre place dans le centre-ville. On avait toujours le conflit, dès qu'on fait quelque chose, je veux dire, dans le centre, on utilise un parking et les commerçants râlent. La chance, quelque part, maintenant qu'on aura, c'est que la Grand Place, quelque part, ce ne sera plus un parking. Et donc, les commerçants seront demandeurs d'avoir tous les samedis, tous les dimanches, une animation. Et si cette animation peut être faite par des associations, quelque part, c'est, je veux dire, financièrement parlant, je veux dire, un très bon rapport qualité-prix, je veux dire, pour la ville, pour les commerçants. Et comme vous dites, ça permet de rendre la ville au Moucronois. Et tu vois, Séverine, je t'avais pourtant dit qu'on ne faisait pas un débat. On faisait bien de la radio, mais ouais. J'ai un peu l'impression. Et donc, on va déjà arriver tout doucement, mais sûrement vers la fin du chemin. C'est frustrant, c'est fait exprès. Sachez qu'il y a encore 4 émissions qui arrivent derrière, qui seront tout aussi frustrantes. Donc, vous ne serez peut-être pas toujours là en tant qu'invité ou dans le public, mais ça sera chaque fois aussi frustrant que ça. C'est gay, ça permet de susciter le débat après hors antenne dans quelques minutes. On va je ne sais pas dans quel état on va retrouver nos deux gaillards, mais tentons l'affaire. Allez, un dernier petit détour par le bar avant qu'il ne soit trop imbibé. Si ça refait comme la crise de 36, faudra des brouettes de billets pour aller acheter un pain. Ça tombe mal, j'ai pas de brouettes. Nous, à Noël, on avait une orange. Avec le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, ça va recommencer. Des milliards de milliards qui disparaissent à la bourse. Même moi, ce matin, au moment de payer le pain, il me manquait 2 euros. Voilà, on ne vous a pas tout dit. C'est terminé. Nous sommes bien conscients de ne pas avoir fait le tour complet de la question, mais nous espérons avoir suscité un débat, des réflexions. Eric ? Oui. On se retrouve le mois prochain, le mercredi. Non, attends, je dois tendre les bras. Alors, à cette heure-ci, moi, tendre les bras, ça devient. On se retrouve le mois prochain, donc le mercredi 22 février, toujours sur RQT 95 FM, toujours entre 20h30 et 22h30. Le sujet sera tout autre, mais finalement. Ou pas. Ou pas. Nous allons aborder les aspects sociaux. Ouais, ça promet. Hein. Ouais. Ça promet d'être riche, d'être animé, d'être partiellement injuste, évidemment, mais ça sera toujours et très la radio. Frustrant. Alors, merci à nos invités, au public dans la salle pour les pertinentes questions et à vous, auditeurs, nous espérons, de nous avoir écoutés. Bye. Salut, Eric. Salut, salut et bonne écoute. Une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. RQC par téléphone au 056 34 07 83 et depuis la France au 00 32 56 34 07 83. Enough.